Elle va faire un argent. Tu as mis de la voiture, hein? Ah, c'est la tu as l'assaut en triangle et tout. Ça ne marchera pas. Hein. Non, mais c'est pour mettre du sang dedans. C'est genre de salle de bain, les catalogues. Allez, sois. Je vais aller faire tout le tour. Et par là? Non, non. Voilà, on vous n'êtes pas en train de me faire chier. Ça, c'est des gens qui sont pas venus. Regarde, il y en a encore un. Il y avait des sacs noirs. Là. Ah, et c'est ouais. Ouais, hop là. Je joue plus moi, tiens. Ah ben, c'est moi. Ah ouais. Salut, salut, salut. J'en ai le bon. Et deux fois. Et pas de glace hein, là-bas. Et quand même. Il y a un petit trou quand même. Monsieur, quoi? Ça, monsieur? Monsieur? Tu les vends pas? C'est tout là. Ça, c'est un micro-tarté pour faire la balle.